Humanité 2.0. Un médecin met en garde contre les nouvelles technologies utilisées dans les vaccins. Interview avec Dr. Carrie Madej. Le Dr. Carrie Madej, médecin en médecine interne et ostéopathe, a dirigé deux cliniques dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, pendant 19 ans. Les vaccins l'ont fasciné dès son plus jeune âge, en particulier le vaccin antitétanique très médiatisé. Elle a été surprise de constater qu'aucun collègue n'avait jamais vu un cas de tétanos. Cela l'a incité à faire des recherches sans répit. À sa surprise, elle a découvert qu'il y avait un additif dans le vaccin qui stérilisait les femmes. Son scepticisme à l'égard des vaccins s'est accru et le Dr. Madej a commencé à explorer de plus en plus le domaine des vaccins. Ses recherches approfondies l'ont amené à découvrir de nouvelles technologies dans les nouveaux vaccins contre la COVID-19, ce qui lui a fait tirer la sonnette d'alarme. Le Dr. Madej est devenu une lanceuse d'alerte qui met ses connaissances à la disposition d'un large public par le biais de conférences, d'interviews et de matériel vidéo. Son coup de semonce au monde entier, Humind 2.0, Wake Up Call to the World, Humanité 2.0, Réveil au monde, s'est propagé rapidement sur Internet, jusqu'à ce qu'il soit censuré par YouTube et d'autres plateformes sur Internet. Dr. Madej n'a pas peur d'exposer inlassablement les objectifs des gouvernements que ceux-ci poursuivent en collaboration avec l'industrie pharmaceutique et les géants technologiques tels que Google et Microsoft, etc., afin de vacciner le plus rapidement possible l'ensemble de la population mondiale. Notre correspondant de CLA TV, Dan, a pu obtenir une interview avec le Dr. Carrie Madej. Ce qu'elle révèle dans cette interview est à la fois effrayant et inquiétant. Mais voyez par vous-même quelles technologies et méthodes seront utilisées avec le vaccin contre la COVID-19. L'hypothèse selon laquelle une énorme bataille fait rage et touche l'ensemble de l'humanité ne peut être écartée, notamment en raison de ces découvertes. Bonjour, Dr. Madej. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci pour l'invitation, Danny. C'est un plaisir de pouvoir vous parler ici. Supposons que je crois pleinement à la maladie du coronavirus et que j'accepte toutes les réglementations du gouvernement, que je porte mon masque partout où je vais, que je garde mes distances sociales et que j'accepte le confinement. Mais ils ont dépensé des milliards pour ce nouveau vaccin. De nombreuses entreprises se font concurrence pour fabriquer le vaccin le plus sûr et le plus efficace. Je dirais donc, prenons le vaccin et revenons à la normale. Qu'en dites-vous ? Je dirais aux gens qu'ils doivent vraiment s'arrêter et réfléchir très sérieusement parce que ce vaccin est différent de tout autre vaccin ou médicament qui a été fait rapidement jusqu'à présent. Nous sautons les tests de sécurité, nous sautons les tests sur les animaux et les gens doivent savoir que ce n'est pas un vaccin sûr. Il n'y a aucune preuve qu'il soit sûr. Et tout comme mes autres collègues, je suis un peu suspicieuse et me demande pourquoi les expériences sur les animaux ont été évitées. La raison en est que lors de ces 20 dernières années, toutes les tentatives précédentes pour produire un vaccin similaire, parce que celui-ci est un vaccin complètement différent, ont échoué lors d'expérimentations animales. Lors d'expériences sur les animaux, par exemple, où ils administraient ces sérums vaccinaux à ARN messager ou ADN modifié, les animaux semblaient initialement très robustes en termes de système immunitaire. Ça avait l'air d'être un succès. Les niveaux d'anticorps dans les échantillons de sang avaient augmenté et la réponse des cellules T s'était également améliorée. Mais dans le cadre des tests sur les animaux, on effectue un test appelé « challenge test ». Cette application de test étant contraire à l'éthique chez l'homme, elle n'est donc utilisée que dans le cadre d'expériences sur les animaux. Cela signifie que si les échantillons de sang semblaient bons au début, par exemple, mais que les animaux étaient ensuite exposés au virus ou à la bactérie, il y avait des problèmes considérables. En réalité, les animaux ont eu à chaque fois une réaction cytokine, c'est-à-dire une réaction inflammatoire, de sorte que globalement leur santé s'est aggravée après leur exposition au virus ou à la bactérie. Cela signifie qu'ils sont devenus plus malades, qu'ils ont eu plus de pneumonie, plus de problèmes de foie et qu'il y a eu plus de décès. Si ces symptômes sont apparus chez les animaux presque à chaque fois avec les vaccins précédents de ce type, nous pouvons supposer que cela se produira avec ce vaccin et avec ce vaccin en particulier qu'ils essayent maintenant d'utiliser sur nous. Supposons donc qu'ils nous administrent ce vaccin. Tout le monde a l'air bien au début, non? Et puis, que se passe-t-il si ces personnes sont exposées à un simple rhume, une grippe ou une COVID-20 ou quoi que ce soit de semblable? Je m'attends donc, tout comme mes collègues, à plus de décès, plus de morbidité, plus de problèmes. Et je soupçonne qu'ils ne vont pas rejeter la faute sur le vaccin, car les fabricants de vaccins ne peuvent être tenus responsables pour le moment. Mais ils se contenteront de dire « c'est à cause de la nature, même de ce nouveau virus ». Ils accuseront le virus. C'est pourquoi nous devons être très prudents, car ce vaccin n'est pas sûr, compte tenu des données dont nous disposons jusqu'à présent, et ça, c'est important. De plus, ce vaccin est absolument nouveau pour l'humanité. Il n'a jamais été révélé. Il joue avec l'ADN, l'ARN, le génome, les gènes, ce sont des termes similaires qui désignent une même chose. Le génome est ce qui nous rend humains. C'est notre schéma d'organisation, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait nous reproduire, ce qui nous fait grandir, ce qui nous guérit, c'est tout ce dont le corps a besoin pour savoir ce qu'il doit faire. S'il manipule le tout d'une quelconque façon, un changement aussi minuscule soit-il peut avoir un effet désastreux. Il peut entraîner le cancer, la mutagénèse, les mutagénèses et les maladies auto-immunes. Il est donc possible que les effets soient tardifs. Nous n'avons pas de recul. Les études ne sont donc pas réalisées correctement et elles sont menées hâtivement. Il faut envisager des études à long terme sur cette question. Toutefois, aucune de ces études ne sera achevée avant octobre 2021. Ainsi, cela veut dire que lorsque ce vaccin sera commercialisé, nous ferons tous partie d'une grande expérience. N'est-ce pas incroyable? Eh bien, cela remonte au code de Nuremberg de la Seconde Guerre mondiale. Sans notre accord, aucune expérience ne peut être effectuée sur nous. La population doit être informée que nous participons à une expérience. C'est vrai, et même octobre 2021, ce serait assez rapide. Combien de temps faut-il généralement pour qu'un vaccin soit testé et prouvé sans danger? Une bonne étude, de bonnes études devraient durer entre 10 et 15 ans. Maintenant, on dit 5 ans. Mais même 5 ans, c'est trop rapide. Mais supposons que ce soit le cas pour l'instant. En 5 ans, c'est à peine possible, et maintenant, ça devrait être fait en moins d'un an. Moins d'un an. Et on peut supposer que les militaires seront certainement utilisés comme cobayes pour effectuer d'autres tests. Je me demande également qui sera le premier à recevoir le vaccin et s'ils vont l'exiger pour les voyages en avion, etc. C'est le problème. Nous sommes tous en plein dans une grande expérience et nous ne savons pas ce qui va se passer. Je voudrais rappeler que ce type de vaccin utilise une technologie appelée transfection. Et c'est la même technologie qu'ils ont utilisée pour les organismes génétiquement modifiés. Comme les gens l'ont probablement compris depuis longtemps, les fruits et les légumes sont stériles. Ils ne reproduisent plus leurs propres graines et la même chose pourrait arriver à un être humain. En outre, ces légumes ne sont pas aussi sains. Ils n'ont pas la composition nutritive des fruits et légumes biologiques normaux et sains. Si vous regardez les animaux génétiquement modifiés, ils ne vivent pas si longtemps, ils ont une durée de vie très courte. Ça nous modifierait certainement génétiquement d'une manière ou d'une autre et nous pouvons nous attendre aux mêmes conséquences. Ça pourrait s'appliquer aux humains. Nous devons vraiment nous arrêter et examiner la situation avec attention. Leur excuse pour utiliser ce type de vaccin est qu'ils peuvent le fabriquer très rapidement, le produire en masse et le dispatcher. C'est la seule raison qu'ils nous donnent pour produire ce genre de vaccin. Oui, ils supposent aussi que la COVID elle-même est incroyablement dangereuse. Êtes-vous d'accord avec cela? J'ai parlé à un de mes amis il y a quelque temps et il m'a dit « Oh, c'est 10 fois plus mortel que la grippe ». Mais je ne vois même pas ce chiffre dans les chiffres officiels. Non, toutes les données nous indiquent que ce n'est pas du tout mortel. Le CDC, l'Organisation mondiale de la santé et tous ces groupes admettent que le virus n'est pas si mortel que cela. Il est éventuellement comparable à la grippe porcine et nous n'avons pas arrêté le monde pour cela, n'est-ce pas? De plus, nous savons maintenant que les données sont très manipulées. Et que beaucoup de chiffres erronés sont apparus à ce sujet. Avec toutes ces erreurs, je pense que c'est intentionnel. Les chiffres ont été délibérément augmentés. Prenons l'exemple de l'État de Floride, où plus de 300 laboratoires ont rapporté des résultats de tests positifs à 100%. C'est vrai. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une erreur. Il s'agit de laboratoires indépendants. Les résultats des tests ont été vérifiés et ils ont en fait trouvé moins de 10% de cas positifs et non 100%. Il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses. Ça s'est produit non seulement dans d'autres États américains, mais aussi dans d'autres pays du monde entier. Alors, attendez une minute, que se passe-t-il? Nous voyons ces effets miroirs partout dans le monde. C'est exact. Nous voyons donc que quelque chose de plus ample est en train de se passer. Et vous savez, ce n'est pas seulement dans la manipulation des données. Quand on voit comment certaines personnes ont investi beaucoup d'argent dans ce vaccin, on peut gagner beaucoup d'argent avec ça. Et les personnes qui font pression pour ce vaccin sont bien sûr celles qui vont gagner de l'argent avec. Par ailleurs, les gens doivent savoir que nous n'obtiendrons aucune compensation de ce fabricant de vaccins si nous subissons un quelconque dommage. Ils sont exempts de responsabilité et ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables. Si vous mourrez, si quelqu'un meurt, si quelqu'un est blessé, si quelqu'un subit des effets secondaires ou des maladies à long terme à cause du vaccin, tant pis pour lui. Il n'y a tout simplement rien que vous puissiez faire à ce sujet. Ils gagnent leur argent et nous, nous souffrons. Comment ça peut-il être équitable? Comment ça peut-il être correct? Comment ça peut-il être juste? Imaginez un peu, vous êtes en autosuffisance pour produire n'importe quel produit que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de garantir que sa recherche et son développement se fassent correctement. Vous n'êtes pas obligé de faire de tests de sécurité. Il vous suffit de mettre le produit sur le marché et vous pouvez gagner autant d'argent que vous le souhaitez et rien ne peut vous arriver. Vous vous rendez compte? Dans ces conditions, vous n'achèteriez jamais de voiture, mais ils veulent faire cela avec notre corps. Notre corps est bien plus précieux que n'importe quelle marchandise. Oui, c'est vrai. J'ai écouté hier l'interview que vous avez faite avec le Dr Kaufman. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la luciférase et aussi quel est le brevet de Bill Gates avec la curieuse numérotation? Oui. Si quelque chose qui me dérange encore plus que le vaccin dont je viens de parler, c'est la technologie qui va avec. Ainsi, lorsqu'ils parlent de ce vaccin, ils sont très déterminés à ce que la globalité de l'humanité soit vaccinée. Bill Gates a même déclaré qu'il voulait qu'au moins 7 milliards de personnes soient vaccinées. C'est à peu près le monde entier, avant que nous puissions revenir à une nouvelle normalité. Et pour s'assurer que ça a réellement lieu, il ne fait pas confiance aux médecins ni aux établissements hospitaliers. Il ne vous fait pas non plus confiance lorsque vous dites que vous avez reçu le vaccin. Vous devrez le prouver. Ils veulent vous labelliser, vous identifier avec un tatouage invisible qui sera sous votre peau et qui pourra être lu avec une application spéciale sur votre smartphone ou un autre appareil, et vous aurez un identifiant unique. Il me semble que c'est comme marquer une vache au fer rouge, c'est la même chose. Et cette marque contiendra votre certificat de vaccination, votre état de santé et d'autres informations. Afin de s'assurer que votre corps ne le rejette pas, ils veulent utiliser un hydrogel et la nanotechnologie. C'est une invention singulière de la DARPA. Le ministère américain de la Défense dispose d'une subdivision pour les projets de recherche appelée DARPA, et cette technologie ne sera pas rejetée par le corps et fera bien d'autres choses. Ils ont donc décidé de le breveter, car ils peuvent bien sûr en tirer plus d'argent si c'est breveté. Ils ont appelé cette identification luciférase. C'est une enzyme qui s'allume, c'est donc comme ça qu'ils l'ont appelée luciférase. Je n'aime pas ce nom. Je pense que c'est un nom terrible et ce sera votre marque, votre identifiant personnel. Le problème avec ça est complexe. Non seulement vous aurez cette identification, mais comme un fait exprès, le 26 mars 2020, ils ont présenté un brevet international et devinez qui a fait cela? La société Microsoft de Bill Gates. Vous voyez les mêmes noms encore et encore. Non seulement il peut gagner de l'argent avec ce vaccin ou proposer cette luciférase, mais il peut également gagner plus avec le brevet international qu'il a demandé et dont le numéro est le 060606. Cette nanotechnologie, l'hydrogel, la luciférase, vous reliera au cloud avec la 5G. Ça fonctionnera par l'intermédiaire de votre smartphone qui est connecté au cloud. Une fois que tout sera dans le cloud, toutes les données seront regroupées. Ainsi, toutes vos données biométriques seront groupées et stockées et seront toutes liées à la monnaie cryptée. Donc en fait, votre corps deviendra votre marchandise, fini l'argent liquide, plus de cartes de crédit. Vous voyez à quel point c'est dangereux? Parce que tout peut être piraté. Nous savons que nos smartphones et nos ordinateurs ont des problèmes. Tout appareil électronique peut être piraté. Qui dit que vous ne pouvez pas être piraté à ce stade? Que se passe-t-il si vous faites quelque chose qui déplaît au gouvernement, par exemple, si vous ouvrez la bouche sur quelque chose, ou si vous êtes un fauteur de troubles? Peut-être vous retireront-ils votre argent crypté. Cela semble trop fou pour être vrai. Mais le fait est que le brevet de cette technologie soit 060606 est réel. Il ne s'agit plus d'une théorie de conspiration. Oui, mais pas seulement, car si vous regardez en Afrique, ils ont déjà commencé à tester les adultes et les enfants avec cette technologie. Mastercard et la Fondation Gates sont derrière tout cela. Ils utilisent en ce moment même la biométrie et l'identification dans le vaccin pour ces personnes. Ce n'est donc pas un fantasme, il est déjà utilisé en Afrique. Je suppose que vous connaissez la résolution 6666 du Parlement américain, le Tracking Act. Oui, oui. Vous savez, disons que nous sommes en 1995, que je suis un cadre d'Hollywood, que nous sommes dans un studio, dans un bureau, que nous réfléchissons à un scénario et que nous allons faire un film de science-fiction sur l'avenir où il y a une dystopie, où tout le monde est surveillé tout le temps. Et nous allons avoir affaire à quelque chose appelé Luciferase, qui est connecté à un nuage avec un identifiant de 3-6. De plus, pour s'assurer que tout le monde le fasse et puisse être surveillé, 4 autres 6 sont ajoutés. C'est bizarre. Que se passe-t-il ici? Quand je lis le scénario, je me dis que c'est trop fou, que personne ne va acheter ce film. Je ne considérerais même pas ce film ou ce scénario parce qu'il faudrait le rendre un peu plus vague ou un peu plus intéressant. Plus crédible? Oui, exactement. Mais ils le font sous nos yeux. Et vous savez, je suis une enfant de Dieu, je crois. Je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu, oui. Et je crois aussi, et je, nous. Il y a des preuves, il y a des gens qui adorent Satan. Ils croient en Satan, ils croient au 666, ils croient au symbolisme. Et je crois qu'ils pensent qu'ils doivent nous dire ce qu'ils ont l'intention de faire avant de le faire. Il y a quelque chose au-delà de ça, au-delà de ce qui se passe dans le domaine visible. C'est également le cas dans le domaine spirituel, je le crois. Et vous verrez ce symbolisme partout si vous voulez vraiment le voir. Combien de probabilités y a-t-il d'utiliser de tels chiffres? Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse de simples coïncidences. Pourquoi cela se produit-il dans le monde entier et pas seulement dans un pays? Maintenant, vous pouvez objecter. Oui, il y a de la corruption dans un pays, mais ça se produit partout dans le monde. Et quand vous voyez que les mêmes noms surgissent sans cesse, la Fondation Gates, Bill Gates, à chaque fois, c'est lui qui profite de nous. Et en Afrique, en Inde, il est connu pour avoir paralysé et ou tué environ 500 000 enfants. Il l'a fait sans déclaration de consentement. Il leur a menti. Il s'en est sorti quand même. Il ne lui est rien arrivé. Alors, pourquoi pensez-vous qu'il ferait quelque chose de différent avec nous et avec tous les autres sur cette terre? Il croit aussi à la dépopulation. Il croit à l'eugénisme. Il est issu de cette lignée familiale. Il pense que nous sommes trop nombreux. Il veut réduire le troupeau. Réveillez-vous, les gars! Cet homme ne veut pas que nous vivions tous sur cette terre. Il l'a dit à plusieurs reprises et de différentes manières. Sa réussite l'a prouvé. Il n'est ni scientifique, ni médecin, ni épidémiologiste. Pourquoi lui donnons-nous ce pouvoir? Il a tout à gagner et nous avons tout à perdre. C'est vrai. Il y a encore une chose à propos des tests que j'ai oublié de vous demander. Et j'aimerais y revenir. Je ne comprends pas bien ce qu'est un faux positif, etc. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est ceci. Nous avons ces courbes qui ont commencé à descendre en avril ou mai, et le taux de mortalité est tombé presque à zéro. Il avoisinait zéro, n'est-ce pas? Donc, si on admet que les tests sont valables et que les cas sont en augmentation, cela voudrait dire que malgré une augmentation des cas, le taux de mortalité reste très faible. Cela signifie que le virus lui-même est moins mortel chaque jour, et c'est une bonne chose. Ou bien, alors les résultats sont des faux positifs, ce qui signifie que nous n'avons pas de cas. N'est-ce donc pas une situation positive dans les deux cas, et ne devrions-nous pas revenir à la normale? Oui, vous utilisez votre bon sens et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a actuellement aucune raison de déclarer un état d'urgence. Alors pourquoi sommes-nous toujours en état d'urgence, pratiquement parlant? Nous le sommes toujours. Pourquoi cela se produit-il? Non, il n'y a aucune raison de déclarer l'état d'urgence. De nombreux avocats essayent de porter l'affaire devant les tribunaux parce que nous ne devrions pas être en état d'urgence. Et je dois dire que le test PCR n'a jamais été destiné à diagnostiquer qui que ce soit. Il suffit d'un tout petit morceau d'ADN pour l'amplifier. En fait, on le duplique uniquement pour pouvoir mieux l'analyser et le regarder. On ne regarde donc qu'un seul fragment minuscule et cela signifie que ce fragment peut avoir de nombreuses origines différentes. Il peut provenir d'un simple rhume ou d'une simple grippe. Et nous avons effectivement vu que cette séquence provient du chromosome 8 du corps humain. Et cela signifie que si on le multiplie suffisamment, nous serions tous testés positifs. Et chaque laboratoire la multiplie d'une manière différente. Il n'y a pas de procédure standard pour cela. C'est fou. Il faudrait être un scientifique pour reconnaître et comprendre cela. Si vous utilisez un test PCR d'une certaine manière, presque toute personne peut être testée positive. Mais ça ne signifie pas vraiment qu'elles ont cette infection, car ce n'est qu'un tout petit fragment qui est extrait. C'est très inquiétant. Tant de médecins et de scientifiques se sont exprimés et ils sont censurés et réprimés. Ce n'est pas une bonne science, ce n'est pas une bonne médecine que nous pratiquons actuellement. Avez-vous entendu Elon Musk parler l'autre jour? Je crois que c'était hier. Non, je ne l'ai pas entendu. Qu'a-t-il dit? Vous savez, je ne sais pas quoi penser d'Elon Musk. Parfois, je pense qu'il fait partie de ce mouvement transhumaniste. D'un autre côté, il dit de temps en temps des choses très raisonnables. L'intervieweur lui a demandé, au début, il a dit que c'était une réaction excessive. Toute l'affaire Covid est une réaction excessive. Il a dit qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter l'économie et de prendre des mesures de quarantaine, etc. Et puis, il est arrivé un moment où l'intervieweur a dit, « Eh bien, il semble qu'il y ait une solution à tout cela. Un nouveau vaccin va sortir. » Alors Elon Musk dit, « Je n'en veux pas. » L'intervieweur était vraiment choqué. Je ne pense pas que l'interview était censée se dérouler ainsi. Il s'est répété, il a dit, « Non, je ne le prendrai pas et je ne le donnerai pas non plus à ma famille. » Et elle lui demande, « Pourquoi pas ?» Et il lui répond, « Parce que je ne pense pas être en danger et mes enfants non plus. Je pensais que c'était un signe positif. » Oui, il m'embrouille aussi, je suis d'accord avec vous. Parce que vous savez, d'une part, il dit quelque chose comme ça, et d'autre part, il croit dans le transhumanisme selon lequel nous devrions nous mélanger avec les cyborgs et ne faire qu'un avec l'IA. J'ai le sentiment que c'est peut-être aussi pour des raisons financières qu'il a dit ça, parce qu'il perd de l'argent avec ses usines qui ne sont pas pleinement utilisées. J'ai donc le sentiment que ça pourrait avoir un rapport avec un gain financier. Mais je crois savoir qu'il est récemment entré lui-même dans l'industrie des vaccins. Vous savez donc qu'il y a une contradiction dans ses propos. Je ne sais pas quoi penser de lui. Moi non plus. Mais j'ai récemment vu une photo de lui côte à côte avec Ghislaine Maxwell. Et ça me suffit pour presque le rayer de l'histoire, voyez-vous? Oui, je ne lui fais pas confiance. Non. Enfin, eh bien, ça a été très enrichissant et instructif. Et, oh, encore une chose que je voulais vous demander avant de terminer. Qu'est-ce que l'Emergency Preparedness Act? Oui. Cette loi a été adoptée vers février 2020, je pense. Et ça a donné aux fabricants de vaccins toute l'immunité nécessaire contre toutes les actions en responsabilité. Ils sont encouragés à produire leur vaccin le plus rapidement possible, sans craindre les effets pathogènes du vaccin. Parce que vous savez, si les gens tombaient très malades ou mouraient, ils ne voudraient pas perdre tout leur argent. Et pour les protéger, on les a couverts avec ça. Ça faisait donc partie de la loi. Je pensais, si nous revenons à 1986, à ce que j'ai appris de RFK Junior, j'ai entendu dire qu'il existait déjà une immunité de responsabilité pour les vaccins. Oui. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était seulement un pas de plus? Oui. Avec ça, ils veulent vraiment les protéger complètement. Ça parlait déjà un langage très clair, c'était comme un filet à double fond. Parce qu'en vertu de la loi de 1986, au sein du système judiciaire, ils ont convenu qu'il y avait des problèmes liés aux dommages causés par les vaccins. Ils ont donc créé un petit tribunal spécial pour ça. Ainsi, dans ce tribunal spécial, on pouvait toujours poursuivre et obtenir de l'argent pour les dommages causés par les vaccins. Cependant, cette loi d'urgence a également annulé ce tribunal. Bon, je crois que j'ai une dernière question à vous poser. Je pense que je connais déjà la réponse. Mais supposons que ce soit un de vos amis, ou votre mère, ou je ne sais pas qui vous demande. Eh bien, Carrie, vas-tu te faire vacciner? Pas question. En fait, je ne prendrai aucun vaccin du tout. Je ne leur fais pas du tout confiance. Pas à notre époque. Nous avons perdu tous nos moyens de sécurité. Nos contrôles et nos mesures ont été jetés par la fenêtre. Non, absolument pas. J'accorde une trop grande valeur à mon corps et à ma souveraineté. Maintenant, la deuxième vague arrive. Nous savons qu'elle arrive. Ils exagéreront chaque cas qui se présentera. Ils vont essayer de nous confiner à nouveau. C'est mon avis. Enfin, avez-vous une dernière chose à apporter aux gens? À quoi devons-nous faire attention pendant la saison de la grippe qui arrive à l'automne? Je rejetterai également le vaccin anti-grippe ordinaire parce qu'il contient des composants dont la sécurité n'a pas été testée. Et par le passé, lorsque les gens recevaient le vaccin anti-grippe à l'ordinaire et qu'ils entraient en contact avec une souche rare du virus, comme la grippe porcine H1N1 ou la COVID-19, ils y réagissaient encore plus violemment. Leur situation était pire que celle de ceux qui n'avaient pas été vaccinés contre la grippe. Je ne leur fais pas du tout confiance. Et nous avons des études qui le confirment. Je conseille vraiment aux gens de le faire jusqu'à ce que des scientifiques et des médecins internationaux aient mené une enquête indépendante sur les vaccins. Vous avez donc très peu confiance dans le vaccin contre la grippe et encore moins dans le prochain vaccin COVID? Absolument, c'est exact. D'accord, Dr. Madey. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Et j'espère que nous pourrons recommencer cela un jour. Merci, Danny, de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi.